Culture Dance live. En direct d'Invasion 4. Fantôme de Mardi. Bon week-end, Culture Dance Live. Je vous rappelle que vous gagnez vos invites pour la soirée de samedi prochain, samedi 8 septembre, au Rocking Chair de Vevey. Culture Dance Live avec DJ Gollum, DJ Spock, Parini ou encore DJ Spirit. Ça se passe sur le framboise.ch, rubrique service. Il reste encore une dizaine d'invites à empocher, framboise.ch, rubrique service. Merci à Vespa 63 qui sortira la semaine prochaine Another State of Mind avec DJ Spock. C'est bien sûr le nouveau Scud de Soda Pop. Et puis sachez également que Vespa 63 bosse dur ces temps avec là aussi Spock sur un autre projet, le projet Men in Trance, qui est sorti dernièrement sous le label de DJ Snowman. Après Vespa 63, place à NSN Cold jusqu'à 2h15. Invasion 4 dans ta radio jusqu'à 3h. 1h23 tout pile sur la pendule du Culture Dance. Il n'est pas encore trop tard pour sortir. On s'éclate dans le Valais ce soir avec deux endroits pour s'éclater. Le Dôme de Martigny et le Sphinx de Martigny. Deux floors du côté du Dôme avec tout à l'heure à 2h15 DJ Spock et actuellement NSN Cold. Un autre floor techno avec entre autres Double C, James Trollick et Yann Lucas. Et au Sphinx, c'est plutôt progressive avec Willow, Max B. Grant, Spirit ou encore Dave Davis. Vous nous rejoignez, hein. Je compte sur vous, Culture Dance Live, jusqu'à 3h du matin. We'll be right back. Definitely. Definitely. We'll be right back. Culture Dance Live avec le son du Dôme de Martigny dans vos boomers. Dôme de Martigny, deux floors, un floor techno et un floor principal, floor progressive et trance, avec actuellement DJ NSN Cold, producteur mais également remixeur. Ce sont des grands potes, un certain Scott Project. Ils ont d'ailleurs un studio en commun, c'est là qu'ils préparent leur bonne galette, leur méga bombe qu'ils passent ce soir au Dôme de Martigny, NSN Cold, jusqu'à 2h15. Et puis à 2h15, on retrouvera le grand DJ Spook pour finir la soirée. Culture Dance Live dans ta radio, c'est Framboise Weekend. house ain't my house, is your house, and your house is mine.